de la haine froide, battante contre l'averse de plaisir, de promesses. Du soleil cuit retourné sur le dos des esclaves. L'alchimie de la révolte opère dans l'œil du poète Agar. Par-delà les images, leur création, le verbe, conjugue-nous pour les siècles et les siècles, dérive de nous en nous. Passant, parle en silence dans ma bouche.